que d'autres explosent. Les fruits défendus, tous ces fruits qui disent encore, même au vieux flemmard, même au vieux flemmard, au petit matin, j'étais toujours spectateur. Une nuit d'amour, d'une autre nuit importante.